sois attentive à la voix de mes supplications. Seigneur, écoute ma voix et tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Oh, oh. Espère à l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Oh, oh, oh, oh. Confie à l'homme et reçois celui qui s'est confié à l'Éternel.